Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui les coquettes. Salut les coquettes, comment ça va ? Salut ! Ah, ça va super les filles, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Avec plaisir, si c'est pour raconter des conneries, on est toujours présents. Et bien c'est exactement le but du podcast et justement vous aviez pensé à des anecdotes à nous raconter ? C'est pas mal, on a eu du mal à choisir tellement on en a des galères. Mais il y en a des... On en a une grosse. Ouais, on a des galères qui sont qui commencent mal et qui finissent bien. Et d'autres qui sont plus anecdotiques, genre il s'est passé ça, ça nous a fait marrer. Mais globalement, ce qui est cool, c'est que dans les galères, quand tu y repenses, tu rigoles. En fait. Ah, de ouf. Ah ouais. En vrai, il n'y a rien de grave. Il n'y a jamais rien de grave. Ça, c'est cool. Oui, oui, bah sur le moment, c'est toujours un petit peu douloureux et tout. Et puis quand on y repense après, on a envie d'en rire. Et pourquoi pas même d'en parler sur scène. Après, vous, comme vous faites des chansons, ça peut être marrant de le faire en chanson aussi. Mais je veux dire, la plupart du temps, quand c'est du stand-up pur, les humoristes racontent, ouais, l'autre jour, il m'est arrivé ça. Et puis c'est drôle, quoi. On réussit à tirer un potentiel comique d'une situation qui, à la base, était galère, quoi. Bah, tu sais, nous, sur scène, on n'a pas que des chansons, on a aussi vraiment des sketchs. Et d'ailleurs, ce que tu me dis, ça me fait penser qu'on avait tout un sketch qui parlait de maisons de disques. On avait eu rendez-vous avec une maison de disques qui voulait absolument qu'on chante en anglais, des chansons, enfin bon bref, qui c'était pas du tout notre créneau, etc. Et on en a parlé justement sur scène. Donc tu vois... Ah d'accord, ok. C'est totalement un moyen d'exploiter nos galères, après de les mettre sur scène, chacun avec sa façon de faire et tout. Mais ce sera toujours intéressant pour le public de découvrir un petit peu les coulisses du métier. Donc j'imagine que ces sketchs-là, quand vous les faites, ils ont une saveur particulière pour les spectateurs. Ah bah c'est clair, parce qu'en plus ils savent que c'est que ça nous est vraiment arrivé en fait. Ouais, la sincérité, je pense que c'est ce qui paye le plus en fait. Quand t'es sincère sur scène, les gens apprécient, c'est ce qu'ils recherchent. Bah de toute façon, nous, on raconte jamais aucun mytho. En fait, tout ce qu'on dit dans notre spectacle, c'est vrai. On n'a jamais mythonné. Non, jamais. Franchement, parce qu'elle me regarde un peu, genre, vous pouvez pas le voir, mais genre, il y en a une qui me regarde en me disant de dire, t'es sûre ? Bah ouais, je suis sûre, il n'y a pas de mytho. Non, tout est vrai. Tout est vrai, toutes les anecdotes qu'on raconte, elles sont vraies. D'accord. Eh bien, écoute, c'est bien, c'est tout à votre honneur, c'est exactement ce qu'il faut. Et ça fait que le public l'appréciera tout autant. Et après, il y a une certaine confiance qui s'installe entre l'artiste et son public. Et vous l'avez gagné déjà. Donc, vraiment, bravo à vous déjà. Carrément. Bon, alors, on te la raconte, notre grosse anecdote. C'est parti, je suis chaud. Là, vous m'avez chauffé, là, je suis chaud, allez. Ah là là là là. Attends, on commence par la grosse anecdote ou on commence par genre un petit truc ? Non, par la grosse. Ouais. Ah oui, la grosse. La grosse, la okay. Grosse. Ok. Donc. Bon, alors. On était au point virgule, en train de jouer notre spectacle, et d'un coup, en plein milieu du show... Mais même pas, pas milieu du pas show, milieu du non, show non, on c'est chante... C'est tout le temps comme ça quand on raconte des trucs, on est là, attends, ah non, c'est pas exactement ça. Genre, ça faisait genre... trois chansons. Ça faisait trois chansons. Ça faisait trois chansons qu'on avait commencé donc le show. 10 minutes, allez. Donc allez, ouais, 10 minutes. Et là, d'un coup, coupure d'électricité. Donc tu te dis, bon... Voilà, on va un petit peu meubler, tu vois. On se dit, bon, attends, là, normalement, il y a ça. Bon, vas-y, là, on va sur le devant de la scène. On fait nos petites chansons, tu vois, comme on a sur notre Insta, là. Et ben, ça, c'était dans le spectacle, à la base. Donc, on s'avance, on s'assoit, on fait nos on petites chansons. On improvise un peu, on dit, ah là là, genre, on a plus chiant. Bizarre, c'est relou. Enfin, bon, on essaye de le rendre un peu marrant et tout. Et puis ça dure, quoi. Faut que tu saches que nous, en fait, panne d'électricité, ça veut dire pas de micro, pas de piano, pas de lumière. C'est-à-dire, nous, on fait des sketchs et on chante, donc c'est chaud, tu vois. Il y avait juste le petit écriteau suite de cours, genre... Qui faisait de la lumière sur nos gueules, quoi. Voilà, qui faisait une lumière tamisée, on va dire, voilà. Tu vois. Voilà, blafard, j'aurais dit, moi, personnellement. Ah et oui, donc, d'accord. On dit au régisseur, on lui dit, mais s'il te plaît, tu peux nous dire si ça va durer encore longtemps ou... Enfin, c'est un petit problème ou... Tout ça avec les gens qui nous regardent et qui se disent... Mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais. Et là, il nous dit, c'est une panne généralisée du dans quartier. De tout le quartier, ouais. Et alors là, mais un truc de dingue. Genre... Attends. Ah oui, ouais, vas-y. Une chance de fou. Donc, on n'a plus de pianiste, on n'a plus de piano, on ne peut plus chanter. Et là, dans la salle, il y avait un de nos compositeurs qui ne venait jamais. Donc, il était là et un de nos compositeurs qui jouait de la guitare. Bon, là, tu te dis, cool, sauf que a priori, il n'y a pas de guitare. Non, mais c'est surtout qu'il est dans la salle, il se lève, on le voit passer, et nous, on ne sait pas ce qu'il va faire. On dit, ah, tiens, bah, on vous présente Cyrus, notre compositeur, bon, et il se casse. Mais nous, on n'a même pas... On se dit, on peut se dire, il va pisser ou j'en sais rien, tu vois, non. Et il revient, miraculeusement, avec la guitare de Frédéric Zetoun, qui jouait aussi à son grand point virgule, et il nous dit, bon, les meufs, si vous voulez... Je connais les trois quarts du show, j'ai qu'à le faire à la guitare, et puis voilà quoi. Notre pauvre pianiste, il savait plus quoi faire. Il a pris un triangle. Non, il a pris un maracas. Une maracas, oui. Et nous, on a dit aux gens, bah, c'est simple en fait. C'est soit vous rentrez chez vous et nous, on va dans notre loge pleurer. Soit on et vous on fait... vous réinvite à venir parce voilà. qu'on n'est pas des crevardes. Soit on vous fait tout le show assise en bord de scène comme ça, en mode feu de bois, quoi. Avec la guitare et on avance comme on peut, quoi. Et évidemment, les gens sont restés. Et c'était l'angoisse parce qu'en fait, à chaque fin de chanson, on ne savait pas si on allait réussir à faire celle d'après parce qu'on avait certaines chansons dans le show qui avaient des bandes envoyées, des bandes son. Donc, en fait, à chaque chanson, on improvisait, on se regardait, on se disait « Attends, ça, est-ce qu'on peut le faire ?» et tout. Et on a finalement vachement avancé dans le show. Elle se marre parce que... parce que depuis tout à l'heure, Lola, elle essaie de raconter l'histoire et Juliette et moi, on fait que les couper. Elle est là, oui, parce que, oui, donc, nanana. Ouais, parce qu'en fait, elle se voit et hop, on fait que de la couper, donc je suis pétée de rire parce qu'elle n'arrive pas à en placer une, la pauvre. Non, mais en même temps, c'est vrai, tout ce que vous dites, c'est ce qui s'est passé, donc est-ce que vraiment c'est important que j'ai mon mot à dire? On s'en fout, quoi. Et ben non, mais ce qui était hyper bizarre, c'est qu'il y a des trucs qui marchaient pas en guitare-voix, puis il y a des choses qu'il connaissait pas Cyril ce jour-là. Donc en fait, on a dû inventer en direct un espèce de nouveau spectacle. Une espèce de nouveau spectacle où on a sauté des passages et à un moment donné, on revenait en arrière. En fait, on a fait mais un spectacle en même temps, on est inédit. Inédit, mais en même temps, on était. Tu sais, des fois quand. Non, j'allais dire, tu sais, des fois quand t'es possédé, mais en fait, non. Mais en fait, on se parlait en cerveau interne, je sais pas comment dire, on se parlait pas directement. Ouais, on comprenait ce qu'il fallait faire, tu vois. Et à le pire de tout ça, enfin le pire, non, c'est pas le pire, mais donc au bout d'un moment, on arrive vraiment à la fin et on dit là, on va s'arrêter parce que les lumières de service, tu sais, au bout d'un moment, c'est sur batterie, donc ça s'éteint. Donc on dit aux gens, bah là, on va. Parce que la meuf du théâtre vient nous dire, il faut finir parce qu'on va pas pouvoir sortir les gens. Et du coup, on avait une lampe de poche. Je sais plus qui nous amène une lampe de poche. Que souvenez-vous, à la fin, on fait la dernière chanson et comme il n'y avait plus de lumière, en fait, on devait accompagner les gens pour pas qu'ils se cassent la gueule parce que c'est quand même le grand point virgule, c'est une salle qui est en descente, ça monte quoi, donc il y a des escaliers. Et donc, sur la dernière chanson, on a accompagné les gens avec nos micros, on a fini de chanter et on les a accompagnés. Non, pas nos micros. Il y avait pas nos micros. Et donc, on les a accompagnés à la sortie et à la sortie, on a des gens qui nous ont dit « Eh, franchement, le coup de la panne, c'était super !» Moi, je jouais pendant une heure et demie sous une lumière blanche, c'est pas mon choix, en fait, hein, sincèrement. Et le lendemain, il y a des gens qui sont revenus, il y a un mec qui est venu nous apporter Oui, parce qu'on est classe, on a quand même réinvité tout le monde. Parce qu'à Légitimus, il était à côté au Grand Point, il a joué tout avec son iPhone, il s'est éclairé à la lumière de son iPhone, c'était drôle. Et donc, le lendemain, il y a quelqu'un qui est venu nous apporter des chocolats en disant vraiment merci d'avoir continué à jouer. J'ai vécu un moment incroyable et on lui a dit, bah, nous aussi. Et ça restera gravé vraiment dans nos mémoires, quoi. Mais ce qui est dingue, c'est que pendant qu'on le faisait, on ne s'est pas rendu compte que c'était aussi acrobatique que ça. On était tellement concentrés, en fait, sur le truc. Moi, j'étais, mais on était vidés à la fin. Moi, j'étais fatiguée. Ah, moi, j'étais crevée. J'étais cuite. C'était un taux de concentration à chaque chanson. En fait, tu avais la peur au ventre que tu ne puisses pas le faire, qu'on doive arrêter. Enfin, oui, c'était très bizarre. Te disais aussi, après, on s'est dit, pourquoi investir tant d'argent dans des lumières et des décors? Parce que ça marche, a priori, sans rien. Bah oui, c'est ça, il suffit d'avoir un iPhone, une lumière sortie de secours toute pétée, et puis allez, c'est parti. Hein. Ouais, c'est ça, toute pétée. Mais bravo à vous, sincèrement bravo, parce que c'est incroyable d'avoir pu rattraper ce truc-là. C'était pas temporaire, c'était vraiment une grosse panne. Vous avez réussi à offrir un show digne de ce nom aux gens. Coup de bol que le compositeur ait été dans la salle, c'est quand même incroyable. Et je suis sûr que les gens dans la salle, si on leur demande « Est-ce que vous avez apprécié le show à la hauteur de ce que vous vouliez voir à la base ?» Ils vont dire « On l'a apprécié encore plus, parce que justement… » Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils s'en souviennent. Oui, c'est sûr. Franchement, je vais te dire, ça a été une de nos meilleures représentations dans le sens où, en fait, ça te bouscule dans tes habitudes. Et puis là, on était assises auprès des gens, donc on avait l'impression d'être vraiment très, très proche d'eux. Et je te dis, quand je dis feu de bois, il y a un côté comme ça, c'est-à-dire que tu es vraiment là à leur raconter, là où tu mets plein d'énergie et tout d'habitude, là, comme tu es vraiment face à leur visage, et ben du coup, tu es plus cool, tu es là, tu racontes ton truc, machin. Enfin, c'était vraiment un bon moment, en fait. D'accord. Et du coup, vous avez coupé l'électricité volontairement combien de fois après ça? Bon, jamais, parce que comme dit Marie, les lumières de service... Ça fait quand même une sale gueule. Ça rend pas ton jojo, quoi. C'est sûr. Mais c'est beau de savoir que vous pouvez improviser. Et surtout, la difficulté, moi, là où je vous tire mon chapeau, c'est que vous êtes trois. Tu vois, parce que quand t'es sur scène tout seul, moi je suis tout seul sur scène, tu vois. Quand t'es sur scène tout seul, tu prends tes décisions, tout ça. Mais là, vous avez dû vous mettre ensemble, vous synchroniser, tout ça, enfin vraiment pour prendre les décisions. Et puis on peut pas dire aux gens, attendez, on revient dans 5 minutes, on va discuter, machin. Non, on peut pas. Donc vraiment, vous avez été. On n'a pas arrêté le show. Moi, ce jour-là, j'avais l'impression d'être une télépathe de X-Men. Franchement, regardait, on se parlait sans se parler, c'était ouf. Ouais, c'était bien. Mais franchement, belle anecdote et qui au final termine bien, quoi, ça va. Ouais, super. Franchement, toutes nos anecdotes, elles finissent bien. Même le plus gros. Fou rire ou les comment Quack. Non, le quand on se prend le plus gros bide. Sauf que nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est trois. Donc en fait, quand il y en a une qui se prend un bide, elle est pas seule. Ça nous fait trop rire, quoi. Ça nous fait rire. Mais même celle qui se prend le bide, elle rigole. Elle se dit, bon, bah celle-là, je la mettrai dans mon prochain spectacle. Ah, nous, on aime ça. Il y a même une blague dans le spectacle. Ah ouais. Dans le premier, qu'on a volontairement gardée pendant 4 ans, sachant qu'une fois sur deux, elle faisait un bide. Non, mais elle était incroyable, cette vanne. C'est vraiment. Parfois, c'était rien. Genre vraiment bide, quoi. Et parfois. Et franchement, quand les gens riaient, je me demandais pourquoi ils riaient, parce que nous, à cette blague que nous avons écrite toutes les trois, on comprenait une chose différente chacune. Genre, bah, cette blague, ça veut dire ça. Ah bah non, pour moi, elle veut dire ça. Ah bon? Ah bah moi, j'ai toujours cru que c'était ça. Donc je me disais, mais les gens, ils rigolent, mais pas de la même chose, en fait. Hein. Mais on l'a gardée parce que moi, cette sensation de possible bide à chaque spectacle, elle me tenait en haleine. C'était une adrénaline incroyable. Je me disais, est-ce qu'aujourd'hui, ça va bider ou est-ce qu'on va avoir à rire? Ah, c'est bien, oui, vous mettez des enjeux en fait différents quand vous connaissez après votre spectacle par cœur. Vous vous dites, là, on connaît, on sait que ça va sur des rails, on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais là, celle-là, comme c'est un coup oui, un coup non, machin, allez, c'est poker, quoi, on y va. Ouais. C'est ça. Ouais. T'as l'impression du coup de vivre une vie dangereuse, tu vois. Ah, mais c'est ça. Bah oui, tu sais, les mecs, genre, tu sais, qui s'engagent dans la Légion étrangère, tout ça, les commandos, le GIGN, c'est rien. Eh, mais tu vois, t'as envie de dire, les gars, vous la pétez avec vos mitraillettes et tout. Est-ce que vous avez déjà fait une vanne incertaine des coquettes, non? Est-ce que t'as déjà pris le risque de bider, mec? Ah, mais l'avantage du commando, c'est que quand il bide, au moins il peut tirer dans la foule, quoi. Ah bah, ça, toi, tu t'en souviendras pas, mec. Bon. C'est clair. Là, bizarrement, la vanne d'après, tout le monde va éclater de rire. C'est ça, tu m'étonnes. Est-ce que ce serait pas la solution contre les bides? Avoir un mec d'un groupe commando avec une mitraillette sur le côté, quoi. On aurait plus beaucoup de par exemple, quoi. Si c'est Juliette qui bide, bon, et qu'elle peut-être éventuellement on pourrait sortir du groupe grâce à ça. Ouais, ou si c'est toi par exemple. Moi, c'est vrai que comme je bide pas beaucoup, je peux pas. Oh, c'est pas vrai, c'est parce qu'on te laisse toujours les meilleures blagues, on est trop sympa. On est obligé, la pauvre, elle galère, faut aider avec le texte. Alors vraiment, c'est de la médisance en boîte, là, vraiment. Ah, j'aime ça, je te jure. Tu parles de commando, mais je vais te raconter un truc. C'était justement, je te raconte. Je lance une autre anecdote. C'était pas longtemps après les attentats. Oh là là. Longtemps après les attentats. Du Bataclan. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs attentats dans la vie. C'était le Bataclan. Et donc, on jouait dans la grande salle du Grand Point. On avait upgradé, quoi, tu vois. Et il y avait quand même, à ce moment-là, il y avait tout un truc... où tout le monde disait à ses producteurs oui je joue ou non je joue pas parce que je me sens capable de jouer ou je me sens pas capable de jouer. On était tous il y avait de la peur, quoi. Il y avait de la, puis au-delà de la peur, il y avait de la tristesse, on n'avait pas spécialement envie de rigoler, quoi. En fait, on avait envie d'attendre un petit peu avant de Je crois que nous on n'a pas joué pendant 4 jours, 4 représentations, quelques représentations. En fait, il y a eu le deuil national et puis on a rejoué un peu après. Voilà. Bon, bref, donc voilà, donc c'était pas très longtemps après les attentats. On joue et tout, nan, et le spectacle n'est pas encore terminé. On est sur une chanson, mais qui n'est pas du tout la chanson de fin, mais qui est vers la fin. Et après cette chanson, on voit un gars qui s'avance. Qui se lève. Il s'avance avec des sacs en papier craft dans la main et il monte sur scène. Mais il monte doucement, tu vois. Nous, on est en train de faire un sketch, on est en train de parler. Et au milieu de nulle part, le gars, il se lève, il avance avec ses sacs, quoi. Et il monte sur scène. Sauf que nous, si tu sans veux, rien dire. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai eu conscience que si... je me mettais à paniquer devant les gens. Ah, on allait créer Oui. Moi, j'ai eu conscience de ça. Je me suis dit, on ne peut pas réagir genre dans la peur ou quoi. Moi, je n'ai pas eu peur, franchement. Ah, moi, bon, j'ai flippé direct. Moi, je n'ai pas eu peur. Je me suis dit, mais en fait, je me suis dit, mais qui monte... Franchement, ma première pensée, pour dire la vérité, je me suis dit, mais qui monte sur scène pendant un spectacle? Vraiment, ben, ça a été ma première pensée. Et je me suis dit, mais il est ouf ce mec, est-ce qu'il... Et il monte sur scène et il dit, bah, je suis un ami de Marie. Et là, dans ma tête, je me dis, mais je le connais pas. Je le connais pas, attends. Je sais que je suis pas physionomiste, mais quand même, tu vois, je me dis, bah, un ami de Marie, bah, franchement, je... Non, je crois pas. Sauf qu'à ce moment-là, on voit toujours pas ce qu'il y a dans ses sacs. et là, heureusement, il sort des bouquets de fleurs. Et il dit, mais parce que... vous êtes venu manger dans... Marie est venue manger dans mon restaurant et elle m'a invité. Non, mais le mec, je l'ai vu une fois dans ma life, quoi, tu vois. Ah. Et donc, pour vous remercier, ben, je vous ai apporté des fleurs. On m'a fait... Ah, d'accord, parce que nous, on a cru que t'étais un terroriste. Du coup, et que t'étais venu pour nous canner. Donc... Mais franchement, faut être ouf pour monter sur scène pendant un spectacle. À cette période-là, ouais. C'est voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire. À ce moment-là, on était tous sous tension et tout. Normalement, tu montes sur scène. Enfin, déjà, tu montes pas sur scène déjà de base, tu vois. Voilà. Bah, t'attends la fin et tu demandes l'autorisation. Tu vas voir le manager ou j'en sais rien et tu dis j'ai un cadeau pour les coquettes, mais tu fais pas, tu montes pas sur scène devant des gens qui se disent oh là, tu vois. Enfin, j'imagine que tous les spectateurs devaient le regarder lui en plus. Bah grave, non mais hyper chelou. Oh. Hyper chelou, quoi. Après, du coup, on s'en amusait, on lâchait rien, on lui disait, toi, t'es comme ça. Genre, toi, tu te dis, tiens, si je montais sur scène. En plein milieu du spectacle, quoi. Genre, bah écoute, t'avais envie de moment de lumière, alors vas-y, t'as envie de faire une blague, chante une chanson. Et après, on lui a dit, pour te faire pardonner, tu vas nous réinviter toutes les trois dans ton restaurant. Hein, parce que, bon, il l'a jamais fait, hein. Si, il l'a fait. On pouvait y aller quand on voulait. Donc voilà, écoute, on pourrait t'en raconter des milliards, mais. Juliette, j'ai une anecdote pendant le spectacle. Donc pendant le premier spectacle, il y avait un moment au début du spectacle où on prenait quelqu'un dans le public en grippe et où non, on faisait on le draguait. Attends, bouge pas, je vais te couper la parole. Alors je bouge pas. Non, on avait une chanson qui parlait du harcèlement de rue et donc il y a un moment donné où on draguait un mec dans la salle un petit peu lourdement. Et Juliette avait une responsabilité précise qui était de choisir ce mec, parce qu'il devait être dans un certain rayon. Fallait qu'il soit au premier ou deuxième rang. Et en fait, souvent, il n'y avait pas beaucoup de mecs au premier ou deuxième rang. Et c'était souvent, je suais un petit peu, j'avais la goutte au front, tu vois, chaque soir, de trouver la bonne personne, d'avoir bien un mec et tout. Et ce soir-là, je choisis un mec. Ne le dis pas tout de suite. Hein, et au moment où je le choisis, je ne me rends pas compte de sa particularité. Je dis ma première vanne. Non, c'est moi qui dis ma première vanne. C'est toi, non, c'est non. Moi. En fait, moi, je dis, c'est quoi ton prénom, monsieur, excusez-moi, machin. Je dis, monsieur, excusez-moi, vous avez fait tomber quelque chose, là. Et je regarde par terre, et là, je lève les yeux vers lui, et je vois que le mec est aveugle. Et je comprends que Lola et Juliette n'ont pas encore capté. Et je lui dis, donc, vous avez fait tomber quelque chose, là. Et là, je fais, votre sourire. Et la Lola... phrase d'après, c'est moi qui dois la dire. Et c'est... Oh là là, les filles, il n'y a plus d'étoiles dans le ciel. Et je suis censée regarder le mec et lui dire « C'est parce qu'elles sont dans tes yeux. » Et le gars est aveugle. Aïe, aïe, et là, aïe, je aïe, vois aïe, que pendant sa phrase comme moi, elle comprend, elle fait « Hey, il n'y a plus d'étoiles dans le ciel. C'est parce qu'elles sont dans tes yeux. » Et là, je te jure, j'ai été prise d'un et moment Juliette, de panique. Et Juliette, c'était quoi sa phrase? Juliette, derrière, elle disait « Attends, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que tu disais derrière, Juliette ?» Je ne sais plus. Je crois qu'elle disait un truc du genre… c'était que on t'a sur jamais les dit yeux. Que t'étais beaucoup trop mignon. Non mais t'es beaucoup trop mignon. Non mais enfin non, tu mais... pourrais dire merci espèce de baltringue. Mais en plus on l'engueule. Non tu mais sais. T'as pas d'humour, c'est pas de ma faute. Ah et à la fin elle finit par dire ça va hein, c'est pas de ma faute si t'as un délice oculaire. Donc là tout oculaire. Était fait pour vraiment planter pour vraiment les planter gens... ce moment quoi. Non mais et les gens comprennent pendant qu'on le fait que le gars est aveugle parce que certains autour voient sa canne et tout ça tu vois. Et là, on était dans la détresse. Le complète. Malaise, quoi. Non, mais le mec, il riait, par contre. Lui, il avait de l'humour, tu vois. Genre, on a senti qu'on ne l'avait pas du tout blessé. Donc, ça nous a quand même détendu 2 secondes. Mais en fait, moi, j'avais un mélange de gêne absolue. Genre, j'ai envie de mettre ma tête dans un sac et de rire le gars de 2 ans. Et d'un fou rire, mais terrible. Et on se dit, elle a pris le seul gars qui est aveugle dans cette salle. Mais c'est pas possible. Elle est allée chercher le seul gars. Mais le gars, il avait les yeux grands ouverts. Tout va bien, normal, quoi, tu vois. Mais on en a des centaines, des comme ça, forcément. Ouais. Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le public, si tu veux, je trouve que finalement ça se finit vraiment bien. Il y a pas de souci parce que le public avait compris que le mec était aveugle, donc il comprend votre gêne, tu vois. voilà, le mec en question, il rigolait et c'était quand même lui la cible du truc, donc c'était le plus important. Et du coup, ça détend, ouais. Ça détend. Ben voilà, donc ça va. Si le mec l'avait mal pris, genre il se lève et il sort, ou le public n'avait pas compris, là, ça aurait installé une gênance supplémentaire. Non, alors contre, que là, pas fois, du tout. Une fois, on a eu une petite gêne parce qu'on a, un peu dragué lourdement un cum comme ça, pareil, tu vois. Et il y avait sa meuf à côté. Et c'est la seule fois parce qu'on a fait 700 shows, donc elle a eu 699 où ça a posé aucun problème. Et genre dans un show, la meuf, elle était hyper jalouse. Elle s'est mise à califourchon sur son mec en disant genre c'est mon mec. Mais je pense qu'elle était bourrée. Elle s'est rassise sur son siège et elle a pété le siège. Et elle bougeait pas. Genre elle rigolait, mais je pense qu'elle avait pris un truc. Non, vraiment, je pense qu'elle était un peu shootée. Elle était vraiment chelou. Ouais, et nous, on était là genre bah c'était hyper gênant. C'est un spectacle, tu sais, nous on n'est pas genre. Ouais, on a changé de mec. On a dit, bah, tu sais quoi, c'est ton mec, garde-le, tiens, on va te prendre toi. Oh. Ouais, non, mais c'est, là, c'est l'alcool, parce que franchement, aller penser que trois artistes sur scène, machin, vont te piquer ton mec, ouais, ça va, quoi. Ouais. Et puis, après, c'est vrai qu'on est particulièrement très, très belle, tu vois. Donc, je comprends. Mais voilà. Oui, j'avoue, vraiment, ouais, le doute était possible à ce niveau-là. Et ouais. Voilà, non, mais c'est, je veux dire, quand même, c'est incroyable, surtout que vous posez le décor avant. Vous parlez de harcèlement de rue et tout. Et bah voilà, je veux dire, c'est pas comme si c'était sorti de nulle part. Maintenant. Non, mais donc, c'est voilà. Bien, c'est bien. Ah, ben j'imagine que vous en avez eu des vertes et des pas mûres, mais c'est bien parce que ça pimente un petit peu le quotidien. Ça sort des shows classiques qui se passent toujours de la même façon. C'est des choses que tu pensais pas vivre au moment où la lumière s'allume. Et puis après, ça reste des souvenirs magnifiques. Bah, ouais, ça. Après, exactement. On a quand même, nous, on va pas se mentir, une fragilité particulière quant au fou rire. Ah bah oui, bah, en plus, on est trois. On est trois, et puis on se connaît par cœur, le moindre truc, le moindre. Franchement, moi, toi particulièrement. Particulièrement, quoi. Alors, Lola, ce qui est très, très drôle, c'est qu'elle rit d'elle-même. Elle rit de ses blagues. C'est-à-dire que des fois, elle va faire un truc, bon, nous, ça va nous faire rire. C'est pas une blague. Un accident, quoi. Oui, elle rit de ses accidents. Non, ça, c'est déjà arrivé aussi que parfois, tu ris, t'as un fou rire et qu'on ne sache pas pourquoi. Donc, on arrête le show, on dit, bon, alors, qu'est-ce que t'as? Ah, mais il y a le truc qui dormait. Il y a quoi? Ah, ouais, putain. Ah, ça, c'était une anecdote. Ah, oui. Oui, on a eu un mec qui dormait au premier rang. Non, mais en fait, ça nous est jamais arrivé. Surtout notre spectacle, il est hyper dynamique et tout. Bah, il est super. Franchement, non, mais ça, je veux dire, tu vois, c'est pas le genre de spectacle. Non, peut... normalement, tu peux pas t'endormir. Ça peut ne pas te plaire, mais je veux dire, il y a de la musique, ça tabasse, quoi. Ouais. Mm-hmm. Ça tabasse. Et ça tabasse, c'est une expression des années 90. Ouais, ça, t'es jeune. Attends. Et donc, le gars, d'un coup, il est en face de moi. Je commence à faire un truc et je vois que le gars est en train de s'endormir. Donc, je commence un tout petit peu à avoir envie de rire. C'est vrai que quand tu vois quelqu'un qui lutte, c'est drôle. Ça me montre, tu vois. Je peux pas le dire au fait, tu vois. Et donc, je continue mon truc. Et moi, je comprends pas. Et tu sais les mecs qui ont la tête qui tombe, qui ne se tiennent pas la tête. Ah là là. Ils sont en sommeil. Et la tête, elle tombe, là. Et ben, il avait ça. Et j'avais envie de rire. Et à un moment donné, je l'ai vu, genre, il a renoncé, tu vois. Il a lâché le steak. Le mec, il combattait. À un moment donné, il n'en pouvait plus. Il s'est endormi. Et moi, je riais. Et là, j'ai pas pu, là, j'ai explosé en fou rire. Et du coup, les filles, bah, on arrête la chanson au plein milieu. Parce que voilà. Et elles disent, bon, Lola, qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi tu ris? Et je commence à expliquer qu'il y a un mec qui dort et tout. Et du coup, le mec ne se réveille pas. Et surtout, il faut savoir que ce jour-là, il y avait une espèce de comité d'entreprise, donc en fait il avait tous ses collègues dans la salle et les gens le connaissaient. Ah, mais oui, et on l'entend, ah ouais, c'est Jean-Louis. Et le mec continuait à dormir, il était tellement fatigué, tu vois. et donc au bout d'un moment on parlait comme ça et tout, genre on a fait toute une impro, et ouais, et moi j'ai dit, pas de réveiller, et à moi j'ai dit mais tu t'es endormi où juste pour savoir? Non, mais après on l'a réveillé, surtout. Oui, du coup on a, je sais plus comment il s'appelait, mais on a fait Jean-Claude. Et donc du coup le gars s'est réveillé. On lui dit, t'as dormi, Jean-Claude? Et le mec, il dit, bah non, et tout. Je dis, bah si, t'as dormi, Jean-Claude. Il dit, non, bah ok, qu'est-ce qui s'est passé dans la chanson d'avant? Ça parlait de quoi et tout? Et on a trop... Il a parlé du chant des sirènes, et c'était genre au début du spectacle, et là, on était bien plus loin, quoi, tu vois. Bah dis donc, toi, tu nous as bien kiffé, quoi. Non, c'était, on s'est bien marré, voilà. Ah, le pauvre. Parce que lutter contre le sommeil, c'est une horreur. Hein. Horrible. Ah, c'est affreux. Attends, moi, je suis déjà allée voir, comment il s'appelait à Avignon, là? À minuit. Ah ouais, c'était pourtant son spectacle un anglais, était génial. Eddie Izzard. On va voir, j'étais avec Lola, on était à Avignon, c'était pendant le festival, et il y a Eddie Izzard à minuit. Et je sais même pas pourquoi j'ai acheté une place, parce que je sais que je suis incapable d'aller voir un spectacle à minuit. Je sais que, en plus, Avignon, tu vois comment c'est, tu vas voir plein, on jouait pas nous, mais on voyait plein de spectacles, enfin tu vois. Mais comme on avait vraiment envie de le voir, ouais, on s'est dit. Et là, il y a la première partie, c'était Charles Soignon. Et donc, je tiens bon sur Shirley, mais je loupe quand même des petits trucs. Et là, le gars, il arrive. Et pareil, au bout de 5 minutes, j'ai lâché le steak. Je me suis dit, de toute façon, je ne vais pas y arriver. En plus, il parle mi-français, je comprends. Oh, tu vois, voilà. Je me suis dit, bah vas-y, dors. Et elle riait. Ah, moi, j'avais un fou rire, je ne pouvais pas me retenir. Ah, bah, ça va, t'aimes bien, Marie, hein, t'es bien. Hein. Mais toi aussi, t'étais fatiguée. Moi aussi, ouais, c'était dur. Minuit, c'était chaud, franchement, de regarder un spectacle. Quand... Genre, t'en as déjà vu 3 dans la journée. D'aller voir un show à minuit, mais pourtant le mec était super, hein, ça avait rien à voir avec lui. Hein. Ouais, il était super. Mm-hmm. Donc voilà. Et t'as affiché ou pas ? Non, et je me suis dit, va m'afficher parce que j'étais vraiment genre au milieu, au 6e rang, quoi, tu vois. Moi j'avais honte, je me disais, ça se voit qu'on est fatigué. Horrible. C'est chaud, tu vois, nous on connaît le métier, on sait ce que c'est. Et en même temps, il joue sur scène à minuit, tu vois, il peut pas nous en vouloir non plus. Voilà, la mauvaise foi incarnée. Mais non, mais quand tu joues à minuit, tu te dis. Oui, bah du coup, si t'es pas capable de tenir à minuit, prends pas tes places pour minuit. T'as pu se dire ça aussi, tu vois. Je sais pas. Bon, voilà, mais c'était rigolo en tout cas. Pas son spectacle, enfin son spectacle, je sais pas du coup, mais. Est-ce que les sièges étaient confortables ? Est-ce que t'as bien dormi ? Ouais, j'ai super bien dormi, c'était hyper bien. Eh ben génial, franchement, merci voilà. Beaucoup les filles. C'était un plaisir merci de. Merci à toi. Ah ben. C'est, ben, franchement, merci parce que c'est la première fois que j'enregistre avec un trio et je vois que vraiment, tu sais quoi, j'avais l'impression quand je vous écoutais raconter vos anecdotes, j'avais l'impression d'être une petite souris dans la loge. Ah, trop bien. Parce qu'en fait, vous parliez et tout et puis ça balance des petites piques entre vous et tout, j'aimais bien quoi. Franchement, c'était super cool. Tu nous dis bonjour et nous on dit le reste. Et ben, voilà. Et ben c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Vous êtes des invités parfaites pour un podcast. Et donc où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Sur Instagram. Sur Facebook. Et sur Instagram, Twitter. Tous les jeudis, on poste une nouvelle chanson sur l'actu qui s'appelle Les Petites Chansons. D'accord. Et on sera à Paris sur scène et oui. On commencera la tournée au mois de janvier 2022. Voilà, et bien à ce moment-là, l'épisode sera sorti et tout le monde pourra découvrir ça. Un site officiel également, peut-être ? Bah oui, vas-y, il n'est pas trop à jour. Il n'est pas encore à jour, mais bientôt il sera à jour. Mais le mieux, c'est vraiment nos réseaux. Ok, ben merci beaucoup. Je mettrai tous les liens dans la description. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.